vos couronnes brillent, mais s'évaporent des flammes vides qui se dévorent. Moi je reste pierre et acier à l'esquille vrai, jamais filtré. Il reste des trônes faits de fumée, des royaumes creux vite consommés. Chaque sourire cache la peur, chaque victoire. Smoke will fade away. Truth will stand and never sway. Rider's skill burns a steady flame. No false idols, just my name. L'ombre de leur tue aveugle sourd, prisonnier d'eux, leur voix hurle, mais ne bâtissent rien. Des murs fragiles, du sable ancien. Moi je trace ma route sans détour, chaque cicatrice nourrit mes jours. Red skill renaît sans effort, ma voix persiste. Un rock crown cool. Of smoke will fade away. Crown of smoke will fade away. Truth will stand and never sway. Out of skill burns a steady flame. No false idols, just my name. Cachez vos chaînes dans des reflets, mais vos ombres s'effacent. À jamais, moi je reste franc, légitime, un feu sacré. Crown of smoke will fade away. Truth will stand and never sway. Rider skill burns a steady flame. No false idols, just my name. Couronne tombe, vos flammes s'effacent, chaque mensonge se brise et se casse. Radeskill vit, ancré dans la pierre, un nom sincère.